Bonsoir chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans l'Asile le plus sûr qui fait sa rentrée en direct. Émission de toute manière écoutable à tout moment et podcastable sur son site asile35.blogspot.fr ou encore sur le mixcloud.com/renman et diffusée donc sur l'antenne du 94 MHz. Je propose de démarrer cette sélection de sucreries saupoudrées d'épices par une anthologie consacrée à la musique de monsieur Arto Lindsay sous le titre The Encyclopedia of Arto qui vient tout juste de paraître sur le label de Brooklyn Northern Spy. Arto Lindsay, guitariste et songwriter, âme damnée de la no wave new-yorkaise à la fin des années 70 et chantre du post-tropicalisme brésilien influencé par Caetano Veloso, Gal Costa et autres Gilberto Gil. Le label Northern Spy lui consacre un double album sur lequel on retrouve des extraits de la plupart des disques qui l'ont rendu célèbre, notamment les albums Mondo Civilizado ou encore Noonchild, et un deuxième CD entièrement en solo et en live l'accompagne avec des titres de Prince, Al Green, Chico Buarque ou encore de ses propres morceaux revisités. Mais je propose d'attaquer avec un titre extrait d'un de ses tout premiers albums sortis sous son nom. C'était le disque Au Corpo Sutil ou encore sous-titré The Subtle Body, sorti à l'époque sur Rico Disc. C'était au milieu des années 90. On écoute le titre Four Skies de Mr. Arto Lindsay. Sky like a room. say you're scorching. I see them crumpled, teeming sky. One sky on stage, heathen and round. What was left of sound? Braiding to snakes, cover clouds with your arm. Black hair turning red, sunset on a sweater. Why do we feel like it might break? Seething, crumpled, teeming sky. Thank you. une séquence tout en contraste et en subtilité pour démarrer l'asile de cette semaine, qui a attaqué donc avec un extrait du Florilège, The Encyclopedia of Arto, deux albums, deux CD plus exactement, entièrement consacrés à la musique de Arto Lindsay, avec donc un titre sur lequel on retrouvait d'ailleurs Brian Eno. À l'époque, il invitait assez régulièrement Ryuichi Sakamoto, Melvin Gibbs, Mark Ribot ou encore John Lurie, et donc Brian Eno pour cet extrait qui figurait à l'époque sur l'album Au Corpo Sutil, et donc vous pouvez retrouver sur ce double album qui sort ces jours-ci sur le label Northern Spy, qui était enchaîné avec un combo de noise bancal de Long Beach qui a démarré il y a à peu près 20 ans, mais je les découvre avec ce disque Important Picnic par Gang Wizard, une formation dans laquelle on retrouve les frères Landucci, Mike et Tom, aux côtés de pas mal de monde, une douzaine de musiciens qui ont tourné dans cette formation depuis l'origine, notamment Jacob Anderson qu'on avait pu croiser au sein du groupe de free rock Humanora, ou encore Brian Miller de Foot Village qui avait sorti aussi un disque sur Northern Spy, si je ne m'abuse. Donc Important Picnic, publié par le label britannique My Music, une sorte de garage no wave et surtout ultra lo-fi. On va continuer avec la musique de la formation que je vous ai proposée pour démarrer l'émission de la semaine dernière. Il s'agit de Tuxedo Moon avec leur tout nouvel album qui s'intitule Pink Narcissus, qui vient tout juste de sortir sur Cram Disc, donc le fameux groupe de Steven Brown, Blaine Renninger et Peter Principal qui a démarré à l'orée des années 80. On les a connus en Europe à la fin des années 70, début des années 80. Déjà à l'époque, ils sortaient des choses sur Crammed Records à partir donc de l'album Holy War notamment, et précédemment ils étaient signés par le label des Residents Ralph Records. Ça faisait depuis l'album qui était paru en 2007 qu'on n'avait pas de nouvelles des Tuxedo Moon. Il s'intitulait Vapor Trails à l'époque. Il s'agissait de compositions originales. Pour celui-ci, Pink Narcissus, on a affaire à une relecture d'un film culte du début des années 70, donc sous le titre de Pink Narcissus de Monsieur James Bidgood, et il s'agit en fait d'une bande originale qui avait été jouée à l'origine, à l'occasion de l'étrange festival à Paris en 2011. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez ambiante, comme souvent dans les dernières créations de Tuxedo Moon. Je propose d'écouter le titre peut-être un peu plus remuant de cet album, le morceau Acidic Pizza. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Oh! Thank you. sabre, le monde concret qui fume de joie te laisse marbre. Tes yeux se trouvent, ceux de l'autre vaisselle, on croirait bien y voir le ciel. On a démarré avec la pizza matinée de sonorité acidique par Tuxedo Moon, extrait de leur tout nouvel album qui s'intitule Pink Narcissus, sorti il y a peu sur Cram Disc. Un album d'assez belle facture, même s'il n'est pas sauté au plafond, qui était enchaîné avec là par contre l'un de mes chouchous du moment, le dernier opus en date de monsieur Jacques Berrocal, sorti sur Sub Rosa sous le titre MDLV, qui est une florilège d'une bonne vingtaine de pièces avec des titres qui diffèrent entre la version CD et la version vinyle d'ailleurs, et pléthore d'invités pour une sorte de compilation assez à l'image du monsieur, donc qui oscille entre une sorte de punk new wave, du jazz free bancal et différentes expériences du côté de la poésie sonore, des titres qui s'échelonnent depuis le milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et là on écoutait un titre en compagnie de ses anciens camarades de jeu du groupe Catalogue, donc Jean-François Pauvros, et à la batterie c'était Jean-Pierre Arnoux. Il y avait aussi le peintre et poète sonore Michel Potage à la voix, comme Berrocal, qui n'était pas à la trompette sur ce titre. Le morceau Signe particulier, extrait de ce MDLV, et qui était enchaîné avec le titre qu'on a entendu à l'instant de ARLT, le duo entre Héloïse Descazes et Sing Sing, qui était rejoint par Thomas Bonvalet de Locelmar, ancien guitariste de Cheval de Frise, pour ce disque ARLT et Thomas Bonvalet, sorti sur Almost Music, un album qui revisite le répertoire du duo Alambiqué, qui ont sorti donc à ce jour uniquement deux albums avec des textes assez incroyables. Et il s'agit d'une rencontre que vous pourrez retrouver pour une soirée concert ce week-end. Ce sera donc le vendredi 23 mai dans le cadre de la troisième édition du festival Musique Alambique au Jardin Moderne. ARLT et Thomas Bonvalet, ainsi que le solo de guitare épicé qui tend vers la musique nouvelle de l'œillère. Il y aura aussi un solo là nettement plus synthétique, un peu kraut, un peu synthwave de monsieur Rouge-Gorge. Également les Rennais de la Terre Tremble, qu'on n'a pas vu sous ce format depuis pas mal de mois à Rennes, et une formation qui fera son premier concert. Il s'agit de Eschol Pamte, qui réunit des membres de Totoro, Mermont et autres Kerkoï. Donc premier concert dans le cadre de cette troisième édition du festival Musique Alambique ce week-end au Jardin Moderne, vendredi 23 mai, et entre les 7 d'ailleurs, monsieur DJ Black Saboom, qui est une surprise du festival Musique Alambique. Je ne vous en dis pas plus. Les tarifs de location ou sur place sont de 10€. Voilà donc pour ce festival Musique Alambique au Jardin Moderne ce vendredi 23 mai. On va poursuivre avec Data Shock. une formation allemande, un collectif plutôt du côté des musiques un peu épuisantes sur les bords. Ils sont basés à Sarre-Louis, dans la Sarre très exactement, et c'est une sorte de rejeton illégitime d'Amandioul. On a écouté leur précédente production qui était plutôt pas mal. Celle-ci s'intitule Kein Ose in Sicht. C'est sorti en double vinyle sur le label de Hambourg Décordeur, donc du fric folk bien barré à base de longues improvisations. Je propose d'écouter le titre de Data Shock, Todd in der Saravan. Thank you. Démarré avec un genre de caravane cosmique sans oasis et cet album de Data Shock, collectif un peu néo-kraut, très influencé par Amon Jul, peut-être aussi un peu par Agitation Free, vu leur imaginaire du désert. Et cet album Kein Ose in Sicht, toujours une prononciation de l'allemand assez redoutable, album double sorti sur le label Decorder, qui est plutôt pas mal. Je crois que le précédent qui s'appelait Pyramidon quelque chose était un peu un cran au-dessus celui-ci, mais ça s'écoute plutôt assez agréablement et c'était enchaîné avec une découverte et un combo méconnu sous le nom de Sonorch, S-O-N-R-C-H, une formation qui a démarré au début des années 70 dans la officier Jean-François Gaël et Pierre Buffenoir en compagnie des ex-membres d'Arcane 5, notamment Philippe Gumplowitz et Yuval Milsenmacher, qui est peut-être le membre le plus connu de cette formation Sonorch. Milsenmacher qui a un jeu de percussion qui n'est pas sans rappeler celui de, par exemple, d'Ana Vasconcelos. Il s'agissait d'un groupe qui expérimentait à l'époque un genre de fusion plutôt mélangé et qui brouillait pas mal les pistes entre musique ethnique dévoyée et musique un peu nouvelle et expérimentale. Ils avaient produit trois albums, Perf en 72, Outreland en 82 et Cannes en 92, donc à peu près un tous les 10 ans. Et les deux premiers, Perf et Outreland, sont réédités en CD ces jours-ci par les bons soins du label Fractal, le label de Jérôme Génin, qui s'est pas mal spécialisé dans les rééditions de disques méconnus des années 70. Et par ailleurs, donc, Fractal ressort également un combo d'acid folk de la même époque sous le nom de Erasius, qui est une sorte de groupe un peu post-rock de traverse français de la fin des années 70, qui était mené par monsieur Armand Frigido. Ils avaient sorti l'album Gwendoline en 78 et le label Fractal réédite également les frasques Synthwave de monsieur Frigido en solo, et tout ça est accompagné par un bonus CDR avec des inédits et des archives du début des années 70 des membres de Erasius. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site site Fractal si vous vous intéressez au rock de traverse des années 70 en France. Et le troisième titre qu'on entendait juste à l'instant émanait d'un guitariste originaire du Bhoutan, monsieur Tashi Dorji, qui a posé ses valises aux États-Unis depuis, je pense, une bonne dizaine d'années. Il vit apparemment dans la campagne de Caroline du Nord, ce qui explique peut-être la musique qu'il produit sur guitare acoustique préparée et parfois accordée en open tuning, avec une sorte de mélange impro raga americana façon John Fay, et tout ça est enregistré sans overdubbing ni masterisation sur les disques qu'il sort depuis quelques temps, principalement des cassettes par ses propres moyens. On les retrouve d'ailleurs assez souvent sur les stands de disques des concerts de musique expérimentale un peu partout dans le monde. Et monsieur Ben Chasny de Six Organs of Admittance a eu la bonne idée de sortir son premier album officiel et éponyme, donc sous le nom de Tashi Dorji, sur un label qu'il a créé, je ne sais pas si c'est pour l'occasion, sous le nom de Hermit Hut. Donc il s'agit d'un solo guitare vraiment dans l'inspiration post-Derek Bailey, qui est quelqu'un qui a beaucoup influencé le jeu de ce guitariste originaire du Bhoutan. On va continuer avec tout autre chose, et cette fois-ci un trio qui pratique les musiques improvisées et électroacoustiques sous le nom de Fake the Facts, avec Fake entre parenthèses. Il s'agit de la rencontre entre le saxophoniste Mats Gustafsson et les Autrichiens Martin Sievert, qui, si je ne m'abuse, est le guitariste de Radian, et Dieppe 13, monsieur Dieter Kovacic de son vrai nom, qui lui officie aux platines, principalement dans le domaine des musiques improvisées, notamment aux côtés de John Butcher, par exemple. Et donc Fake the Facts, qui sort son deuxième disque en date. Le premier était sorti aux éditions Mego il y a de ça 3-4 ans. Celui-ci s'intitule Soundtrack, ce qui est un joli nom pour la musique que produit Fake the Facts, et il est sorti par les bons soins du label autrichien Trotzt, qui a sorti pas mal de choses, notamment la musique de Peter Brotzmann ces dernières années. Et je propose d'écouter un titre qui illustre à merveille la musique que produisent ces trois-là sous le nom de Fake the Facts, et le morceau Crazy Mix Up, donc par... Non, c'est même Crazy Mix Up, voilà, par Fake the Facts. Thank you. Thank you. À l'instant de l'Asie le plus sûr, deux formations qui illustraient à merveille les capacités des tables tournantes dans les musiques aventureuses. Les tables tournantes qui sont toujours plus utiles que les chauffe-plats. On a commencé avec Fake the Facts, où la rencontre entre le platiniste autrichien Dieb 13 et son compatriote Martin Sievert est rejoint par le nordiste Mats Gustafsson. L'album s'intitule Soundtrack. Il vient tout juste de paraître sur Trotst Records et c'est une pure bombe, ce disque de Fake the Facts, ce qui me donne furieusement envie d'ailleurs de réécouter leur tout premier album qui était sorti il y a ça 3 ans sur Imego. Et c'était enchaîné avec une autre formation à platine tournante. Il s'agissait du platiniste Martin Tétrault en compagnie de son compatriote canadien Michel Langevin. Et le duo Où qui vient tout juste de sortir deux albums coup sur coup, ou plus exactement des pièces présentées en vinyle et en CD avec donc une salve qui s'appelle En chute libre et une autre qui s'appelle En orbite, dont est extrait le morceau qu'on écoutait. Donc une rencontre entre la batterie de monsieur Langevin, Michel de son prénom, que je ne connaissais pas, mais qui apparemment a été batteur d'un groupe de thrash metal assez connu qui répond au nom de Voivod. Voilà, et donc qui était rejoint par Martin Tétrault, qui est plutôt quelqu'un d'assez familier pour l'Asile le plus sûr, vu sa participation à quantité de projets depuis le début des années 90. On avait eu l'occasion d'ailleurs de le voir en concert tout autant à Nantes qu'à Rennes il y a de ça quelques années. Alors il continue son petit bonhomme de chemin, même s'il est un petit peu plus discret que par le passé où il produisait beaucoup, notamment des duos assez fantastiques aux côtés de Otomo Yoshide. Nos oreilles s'en souviennent encore. Et donc au sein de cette formation et/ou qui est plutôt pas mal, même si le jeu de batterie mériterait peut-être d'être un petit peu plus subtil à mes oreilles, mais bon, c'est une rencontre assez intéressante. Percussion platine. On continue avec un trio de musique free rock et free jazz. Il s'agit d'un trio américain comme de juste qui répond au nom de Many Arms, qui vient de faire paraître je crois que c'est le deuxième album. Je vous avais proposé le premier en 2010 ou 2011, leur premier disque au Many Arms. Celui-ci s'intitule Suspended Definition. Il est paru comme le précédent sur le label de monsieur John Zorn Tzadik, et ça envoie du bois sec. La musique produite par ces quatre jeunes gens: Johnny Delbaz à la basse, Colin Fisher au sax baryton et ténor, Ricardo Langamassino à la batterie et Nick Millevoix à la guitare. Je propose d'écouter un titre assez long extrait de ce Suspended Definition par Many Arms, qui effectivement n'en sont pas dépourvus, et le titre Great Their mass. On a débuté cette séquence dans l'hyper-frénésie du groupe qui joue plus vite que Shiva, Many Arms, c'est son nom. Il s'agit d'Américains, je ne sais pas trop où est-ce qu'ils sont basés, qui viennent de faire paraître leur deuxième opus sous le titre Suspended Definition. Alors c'est une musique assez frénétique, donc comme on a pu se rendre compte, ce quatuor sax, guitare, basse, batterie. Un CD publié par le label Tzadik, et on a poursuivi dans le cosmos avec cette danse d'hiver du belge Emeric de Tapol, Winter Dance, sorti sur le label Vleck Records. Il s'agit d'un 25 cm assez différent de ce qu'il a pu produire jusqu'ici, plutôt des musiques un peu dronesques, avec un travail dans les tonalités assez étonnant pour ce disque de Emeric de Tapol qui nous amène vers la fin de l'émission. Je voulais vous signaler 2-3 infos concerts avant de rendre l'antenne, avec une soirée à ne pas manquer demain soir au Terminus à Rennes, au bar Le Terminus, où vous pourrez entendre 4 projets, notamment des Belges également, avec un des musiciens de Sylvester Anfang, Ernesto Gonzalez, qui apparemment est de Bruxelles, comme son nom ne l'indique pas, et qui se produit sous le nom de Tav Exotic, en compagnie de Mike Krabbe de Weird Dust, donc mélange séquenceur, synthétiseur et différents rythmes. Il y aura aussi un projet de techno improvisé dance floor metal américain sous le nom de Out Mode, un autre projet cette fois-ci d'Anvers sous le nom de Fioelk, orchestre de synthétiseur MIDI, et surtout la venue de mademoiselle Eva Van Deren alias Orphan Fairy Tales, que je vous ai proposé à plusieurs reprises dans cette même émission ces dernières années, qui elle aussi habite à Anvers. Tout ça c'est au Terminus au 78 de la rue de Riaval ce mardi 20 mai pour 5€, et la soirée débute assez tôt à partir de 19h. Je vous rappelle aussi le festival Musique Alambique ce vendredi 23 mai, avec pas mal d'informations sur le blog de l'Alambique ou le Facebook, et donc 5-7 à partir de 20h30 jusqu'à pas loin de 2h du matin. Échol, Pamté, ARLT et Thomas Bourvalet, Le Hier, Rouge Gorge, La Terre Tremble et DJ Black Saboom, entre les 7, tout ça pour 10€. Et également ce week-end, le festival Quax en région parisienne à partir de jeudi et jusqu'à dimanche. Nous avons des espions qui vont s'y rendre, que je salue d'ailleurs bien bas. Donc peut-être un petit compte rendu dans les semaines qui viennent des nouvelles formations de chez Quax Records. Voilà, on va se quitter avec un dernier disque et une formation que j'apprécie plutôt beaucoup. Il s'agit d'une rencontre entre des musiciens de différentes contrées. On retrouve dans cette formation Aidan Baker, qui lui habite à Berlin et qui officie sous le nom régulièrement sous le nom de Nadja. On y retrouve également Andrea Belfi, qui se produit dans quantité de formations, notamment Obo Combo, que je vous ai proposé à plusieurs reprises ces derniers temps, ou encore le trio Groups Pilia Belfi. Et ils sont rejoints par l'Islandais Eric Skotvin, qui lui joue sous le nom de Svart Gardner et produit principalement sur son propre label Miasma. Tous les trois, ils forment B/B Slash S, qui ont déjà sorti 2-3 trucs, notamment sur le label Miasma, fin 2012, début 2013, un EP et un album long. Ils viennent de récidiver sur le label, je crois que c'est un label allemand, Midira Records, avec un vinyle avec deux longues pièces de drones improvisés dont ils ont le secret sous le titre Coltremento. Et je propose, pour conclure, d'écouter un assez long extrait de la face B de ce très beau disque de BBS, le morceau Manto, qui nous permettra de nous acheminer vers une phase hypnagogique assez avancée. Je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine.